je vais vous raconter une histoire pas banale. J'ai écrit un sommaire, une tuerie, un son de gueudin, un saut de keuflin, un son de sauce, un bastos que d'un, où tu balances tout ce que t'as, c'est plus que ma plume, plus le bitume, plus que douce cœur, ma plus que mon. Tu sens que ton cœur bat, quand le discours t'es cœur pas, que tu le connais cœur part, alors je suis part, on les part à la crème, du chrome, qui traîne, qui zone, bref, la mauvaise graine, du trompe, le mal terme, qui alterne entre Joe et Star, et puis sa joueuse dalle, j'ai nommé Joe et Star, je lui ai dit, écoute gars, l'histoire se passe en bout de gare, ou deux fans de bootcamp, stand pour un bootcamp, et shoot part de toutes parts, c'est ouf, y'a des coups de chlas, ça fout grave, les boules glaces, avoue que ça dégoûte as, toute façon, c'est une tuerie, tu perds, tu ris, tu pètes une tuerie, voilà mon son gars, ça va faire un concard dans le monde, car je garde mon calme, et je le sens jusque dans mon dard, en même temps, et quel temps, que même sans tempo, tu la prends à pleine dent, et vu les tiennes sans plein pro, en impro, en intro, tu la mets où tu veux, c'est un pro du nitro, elle a le goût du feu, si tu l'aimes, fous du bulle, pour ma zik fait maison, il a pas kiffé mon son. Oh putain, j'ai une illumination, ça y est, oui, c'est ça, une super idée. Tu sais à qui je vais faire signe? Non, je sais pas, Babar? Ça va pas, mais non, pas Babar, c'est un éléphant, et puis ça a pas de téléphone, les éléphants, et en plus ça salope tout, non, j'ai bien mieux ça. Ah, moi j'ai les mecs de Star Trek, c'est des potes, ils peuvent pas me dire non. Alors je me suis remis au taf sur le son de basse d'un compars, en me disant vu ce qu'on passe, obligé la seconde perce comme une longue perche. Le son claque, vite on le braque, pas vu depuis long time, façon pack, fit donc back, sans piston ni relation. Dans le showbiz, je dis bon, je veux ce garçon. Dans le showage, ça c'est comme une pucelle, du style je mets quelle chemise. En même temps j'en ai qu'une, donc j'ai pas tant de showage, je lui ai dit. L'action se passe chez un croate, et c'est l'histoire d'un sexe, amoureux d'une main droite, mais la gauche est jalouse, elle n'a droit qu'à la blouse. Pendant que l'autre porte à chaque doigt des badouzes, alors une nuit la main gauche veut tuer la main droite, mais elle prend la couille gauche, vu qu'elle est maladroite, c'est pas la mer à boire, mais faut le voir pour le croire. Comme la bite n'a pas d'œil, elle a du mal à voir, et la morale de l'histoire certifie François qu'aujourd'hui la France se divise en trois. Y'a la droite qui a le contrôle et la vague au sang capote, y'a la gauche qu'il voudrait, quitte à écraser ses potes, et y'a les gens qu'on fait cracher, mais qui voient rien, devraient être de nœud, qui râle pour dix fois rien. Si tu l'aimes, dis-moi bien, pour ma zig fait maison. Il a pas kiffé mon son. Il m'a fait le plan du type débordé, je supporte pas ça, c'est nul. Je vais appeler les deux plus forts, Mariki et Gilbert Carpentier. Non, t'es décidément trop con, on va trouver beaucoup mieux que ça, crois-moi. Alors je suis retourné à ma feuille et mon cahier, car même sans viser le cahier, nous le gros larfeuille, faut crailler. Peser lourd ou cahier, j'ai le truc pour gagner. Avec une brique de jus et un rhum boucanier, je suis pas trouvé fab au fond du Canada. J'avais peur que le froid l'achève, mais niveau des Canada, je lui ai dit, reviens, tu mon copanorama. Et depuis que t'es parti, c'est mort, on a du Pokorama. J'ai un son pour Watt, sur une prod à Mob Deep ou du Flip Mode. Le hip-hop est en mode flip, Joe vit dans un drugstore. Et Joe, c'est un hamster dans l'hamster, car il rêve d'être un gangster. Il a le Chico en or et une paire d'Air Jump Nike. Et dans sa litière, y'a des posters de Such Night. Mais il doit plus de sous aux approchés qu'il y a de bulles dans le Pepsi. Et Fred Lee, il se fait tuer, faut dire que Joe Pesci. Voilà mon son, Fab, admet que la chute est béton. Tu balances à fond de cale les meufs sur des tétons. Je vois trop en gangster avec la scred en guest star, guettant les langsters, roulant en grosse guest star. Les buffas, on est fou, on défie tous les faux, on se défend à la faux comme Buffy si il faut. Si tu l'aimes, clinique faux, pour ma zik fait maison. Il a pas kiffé mon son. Bonjour, c'est moi Orson Welles. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Alors maintenant nique sa mère, j'écris juste pour ma gueule. Même si j'ai le but amer quand j'écoute leur single, vu ce qui gueule. Wesh wesh flingue, viseur tes gueules. Joue pas le dingue, pas le trinque, mais qu'un Steven gueule. J'ai sorti une prod de derrière les fagots. Sans personne pour me carotte, donc à moi le mago. Un morceau, patate à se faire un limbago. Qui résonne et ça va des carpates à Tobago. Mais avant ça, je vais tenter le super banco d'un artiste français dont j'espère beaucoup. Depuis môme, je l'écoute d'échange. Avant lui, son dégoût des gens, son côté chambre, après chambre. Bref, tu le négo, Renault s'échange. Il parle de mon sommeur, j'ai un concept d'enfer. Mais il s'en prend le temps qu'il en a des biceps sans fer. C'est l'histoire d'un mec en galère de thunes qui crie des sons pour des potes, mais ça n'a pas l'air de tuber. Un par un, il l'envoie se faire enculer. Mais le mec s'accroche, il est pas prêt de reculer. Alors t'en penses quoi? Avec ça du cacha, une radia, drapia. Comment ça du plagiat? C'est juste un délire, et seuls ceux qui connaissent kiffent. Et si tu me parles de réchauffer, curieusement moi j'esquive. Donc si tu l'aimes, par respice, pour ma zik fait maison. Il a pas kiffé mon son. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. J'appelle ça du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.